arriver. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Good afternoon, Toronto. You're listening to Suppression here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'm going to be with you until the end of the hour. We got a great show lined up for you. We got some brand spanking new stuff by a whole bunch of bands, including the pop punk band, the Les Connies from Montreal, as well as something I am so excited about, some new material by Montreal band Action Sédition, who will be releasing their album on December 17th. I got some material a little bit early, so we're going to listen to some of that, so stay tuned. Salut, vous écoutez Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. On a commencé l'émission avec les Connies, alors qu'ils ont sorti un album un peu plus tôt cette année. Un groupe de pop-punk que je viens tout juste de découvrir en fin de semaine. Et grâce à l'internet, et c'est super bon. Vous pouvez acheter leur EP éponyme sur leur site Bandcamp. Faites une petite recherche, je pense c'est connies.bandcamp.com. Vous pouvez acheter ça, c'est pas cher, puis ça vaut la peine. C'est du bon punk rock style Screeching Weasel, bien sûr, mais bien sûr, en français. Et c'est ça. On a plein de bon matériel pour vous de planifier. Pour l'émission, j'ai beaucoup de nouveaux matériels. Je suis super excité. J'ai le nouvel album d'Action Sédition, Rapport de Force. L'album sortira le 17 décembre. Je vais faire jouer. Je vous ai déjà fait jouer une couple de morceaux que le groupe a mis sur l'internet. Je vais faire jouer un autre morceau un peu plus tard dans l'émission Restez à l'écoute, je vais vous donner des détails concernant leur concert, leur show de lancement d'album. Leur premier album, c'est super bon, ça vaut la peine d'écouter si vous êtes à Montréal ou si vous pouvez vous rendre à Montréal le 17, allez-y. Mais là, je vais faire jouer une chanson par un groupe que je viens tout juste de découvrir. Juste ce matin, j'avais pas l'intention de les faire jouer parce que je les connaissais pas avant ce matin. C'est un groupe du Texas qui s'appelle Crooked Bangs. C'est un peu du punk, indie, garage un peu. C'est un groupe du Texas, mais ils ont sur leur album éponyme, Crooked Bangs, ils ont plein de chansons en français. Je trouve ça super cool. T'entends jamais parler du monde qui chante en français au Texas. Alors, je vais vous faire jouer cette chanson-là, le premier morceau de leur album éponyme. La chanson s'appelle Be Young, Sois jeune et tais-toi. Alors, peut-être une petite référence au slogan de mai 68, Sois jeune et tais-toi. Alors, voici Crooked Bangs à sous pression. Je déteste ton temps. Pour me calmer les nerfs, il faut que je sache que c'est un bon. Salut, vous écoutez toujours Sous pression, aux ondes CHRY, 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter dans le dernier bloc, on a écouté du jeune Sabatrid, la chanson Gimmick tirée de leur album Black Block and Roll. Avant ça, c'est du Larcin avec la chanson Larcin tirée d'un démo qui ont sorti en 2011. Brutal Chérie, avant ça avec 3,5, on a commencé le bloc avec Crooked Bangs, la chanson Be Young, Sois Jeune et Tais-toi. Alors Crooked Bangs, le groupe de du Texas qui a l'air à chanter en français, c'est super cool. Alors je vais faire jouer la prochaine chanson, je vais faire jouer, c'est comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, c'est une chanson d'Action Sédition tirée de leur premier album qu'ils vont sortir, ils vont avoir leur lancement officiel le 17 décembre. L'album s'appelle Rapport de Force. C'est un album de 8 titres. Oui, c'est bien ça, 8 titres. Ils ont déjà sorti deux chansons. Ils ont mis ça sur YouTube. Vous pouvez faire une petite recherche sur YouTube. Action Sédition, les chansons sont Prisonniers politiques et L'Exploiteur. Ça vaut vraiment la peine d'écouter. L'album est super bon. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter leurs morceaux. Ici, à Sous pression, si vous êtes à Montréal ou si vous pouvez vous rendre à Montréal le 17 décembre, alors c'est-à-dire lundi prochain, ils vont voir leur lancement de disque avec, bien sûr, Action Sédition, ils vont être là, et les groupes Crimes et Shotcaller. C'est au Café Chaos, 2031 rue Saint-Denis, c'est 3$, c'est à 21h. Allez-y, moi je pourrais pas y aller, je vais être ici à Toronto en train de faire mon émission. Mais pas toute la soirée, mais cette journée-là, je serai ici à Toronto. Je vais faire l'émission. Et alors c'est ça, je continue avec une chanson de leur album, Rapport de Force, Action Sédition, la chanson Grogne populaire. Alors voici, mesdames et messieurs, Action Sédition à Sous pression. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Marabout, la chanson À genoux, tirée de leur EP éponyme de trois titres qui ont sorti l'année passée. Ce merveilleux groupe de Oi parisien. Avant ça, c'est du RAS, du vieux Oi français. La chanson Rien à signaler. Alors, RAS, Rien à signaler, c'est là que ça vient. Impact avant ça avec Skinhead, Souviens-toi de leur album Cœur de Lion. Et on a commencé le dernier bloc avec du Action Sédition, la chanson grogne populaire de leur album Rapport de Force. Comme je vous rappelle, leur lancement de disque aura lieu lundi prochain. Alors, soyez-y si vous êtes à Montréal. Cherchez plus d'informations, ils sont sur Facebook. Action Sédition, faites une recherche pour Action Sédition sur Facebook. Et en parlant de Facebook et de l'Internet, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Et c'est toujours, c'est une tradition que à ce moment-ci dans l'émission, je vous rappelle que Sous Pression a un site web, voyons, j'ai la misère, c'est le souspression.wordpress.com, souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, on met ça en ligne à chaque semaine. Vous pouvez aussi la télécharger. On met aussi la liste des chansons qu'on fait jouer ici à l'émission à chaque semaine. Alors, si vous avez manqué le titre d'une chanson, vous pouvez bien sûr aller la trouver sur le site web. Alors, on a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez bien sûr aimer l'émission et vous tenir à jour. C'est très pratique. Ça apparaît dans votre fil de nouvelles, là. Et on aussi, si vous voulez, vous nous contactez, vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, n'importe quoi, appelez-nous. Envoyez-nous un courriel sous-pression@chry.fm. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire. On peut pas jaser, discuter et parler de la musique et de la vie, de tout. Comme vous voulez, j'aime bien ça, parler aux gens, faire gens qui écoutent l'émission. J'aime ça avoir des commentaires, voir comment ça se passe, connaître un peu l'expérience de l'autre côté du microphone. Et si vous faites partie d'un groupe ou vous connaissez des groupes que vous entendez pas aux ondes de sous-pression et vous aimeriez entendre, vous pensez que des groupes que vous pensez auraient leur place à l'émission, envoyez-moi un courriel, on s'arrangera. C'est sous pression à commercial, chry.fm. Alors, je vais continuer en musique. Streets of Rage, un groupe de Nancy, je crois, dans l'est de la France. Ils ont sorti un split avec l'Enraged Minority cette année. La chanson, les autres, ils ont eu deux chansons sur le split. Je vais vous jouer la chanson Stay Rude. C'est un excellent groupe, Streets of Rage, je les aime bien. Puis je crois qu'ils sont prêts à sortir quelque chose un peu bientôt. Ils ont quelques semaines ou peut-être un mois ou un peu plus qu'ils ont sorti sur leur site. Ils ont mis un lien vers un clip sur YouTube. En fait, c'est juste un clip. C'est une image avec la musique d'une nouvelle chanson. La chanson était bonne. Je l'ai pas avec moi. C'est pour ça que je vais vous faire jouer en ce moment. Je vais vous faire jouer la chanson Stay Rude. Mais j'espère bien que Streets of Rage vont pouvoir produire quelque chose de nouveau parce que c'est un bon groupe et j'aime bien ça. J'aime bien leur musique. Alors c'est ça, je continue avec Stay Rude de Streets of Rage ici à Sous Pression. Oh, faire une petite dédicace à tous ceux et celles qui, vers ce temps-ci de l'année, travaillent fort, étudient, font leurs travaux, parce que la fin de la... les vacances achèvent, là, ça s'en vient. Prenez soin de vous, travaillez pas trop fort, mais étudiez, faites vos études. En tout cas, voici les esclaves salariés avec temps à perdre. Stop it! Ces enculés te poussent à la misère. Ne me les voient, car la cachette de l'enfer. C'était Eric Panic avec la rumeur ici à à sous-pression. Avant Eric Panic, on écoutait Les Ordures Ioniques, la chanson Contre Nature, tirée d'un petit EP que le groupe a sorti et qui s'appelle Jeunesse Barricadée. Avant ça, c'était Scott and Panic People, la chanson Ma Religion, Mayday avec la chanson... C'est la chanson, était coup pour coup. Temps Drive avant ça par Hooligans Volstar Band, Les Esclaves Salariés avec Temps à Perdre. Et on a commencé le gros dernier bloc avec Streets of Rage, la chanson Stay Rude. Alors, juste avant de vous quitter, si vous êtes à Montréal en fin de semaine, il va y avoir un super bon show. Il va y avoir Les Ordures Ioniques, Jeunesse Apatride, La Gâchette et Mayday. C'est le 15 décembre, ce samedi, à 8h, au Catacombes. Je pense que c'est 10$ à la porte. C'est une grande fête, il s'appelle la grande fête punk rock franco de Noël. Ouais, c'est ça, c'est 10$. Moi, je voulais vraiment y aller, mais je peux pas y aller. Moi, je vais être à Ottawa, je vais plus près de Montréal, sauf que je retourne à Toronto dimanche, le lendemain. Mon train quitte très tôt le matin, alors c'est pas vraiment juste pas réaliste pour moi d'y aller. Ça me fait beaucoup de peine. Mais si vous êtes là et vous y allez, et envoyez-moi un courriel ou un message sur Facebook, tu sais, facebook.com/ ou sous pression à commercial chry.fm pour me dire comment c'est allé, parce que le show a de l'air et que ça a de l'air que ça va être un vraiment bon show. Alors c'est ça, je vais vous laisser avec une dernière chanson. J'ai le goût de faire jouer du ska, reggae un peu, du Ritz's Crew, leur album Old Reggae Friends. Je l'adore cet album-là, je vais faire laisser avec une chanson de cet album-là, la chanson Old Reggae Friends. En prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Et c'est ça, solidarité entre-temps et solidarité, amitié, tout ça, blablabla, c'est... Ouais, là, j'essaie juste de remplir l'autre temps pour que la chanson finisse à temps. OK, j'arrête de parler. Je vous présente Ritz's Crew sous pression. Bonne semaine.